y'a rien qui a changé dans nos quartiers. Maman me fait des rappels et me dit mon fils tu veux pas prier. Je me souviens qu'on riait, plus tard on s'oubliait. Le cerveau bousillé, le cœur qui bouillit. Les poteaux qui s'échappent très loin quand ça sent le roussi. Ceux qui font le rouleau, tu vois qu'ils ont grossi. On veut la Ferrari, le pays à grosso. Mafioso, mafiosa, tout comme John Abruzzi. Plus de détails, au moins de soucis, moi je vais couper les ponts. Laissez-moi dans ma musique, j'écoute ma vie dans mes sons. Un clip réveille la dupe, je reçois des snaps de prison. On me dit l'allemand, la famille, tu fais que passe ma détention. J'dis jamais attendez, si tu veux toi tu pars. T'as fini au dépôt, t'as fait chanter la guitare. On sort tôt dans le ghetto, on rentre chez nous très tard. Pour finir, hasta luego à tous ces fils de bâtards. قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك خمم عليك خمم عليك خمم عليك L'amour ou la raison faut faire le choix dès le départ. Touché par la haine pourtant j'étais dans les bars. Et ça me fait de la peine, je vois des familles qui partent en ruine. Des parents qui se lèvent tôt pour acheter à leur fille des jeans. On s'en fout des gens, ils font que se lamenter. Plus t'es gentil avec eux, plus ils commencent à inventer. Ils pissent contre le vent, ils sont jamais contents. Ça reviendra vers eux, chape la tarpa qu'ils auront. À trop faire les voyous, faire les pélos dangereux. Le danger on l'appelle, puis on le quitte en courant. C'est la même tous les jours, comment vous dire, je suis écœuré. Si jamais attendez, si tu veux toi tu pars. T'as fini au dépôt, t'as fait chanter la guitare. On sort tôt dans le ghetto, on rentre chez nous très tard. Pour finir, hasta luego à tous ces fils de bâtards. قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك خمم عليك خمم عليك خمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي ألا نخمم عليك قاعد في الحومة قولي